Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre cette émission sur le thème de la santé. Étonnamment, un corps humain en parfaite santé est l'habitat d'une multitude de micro-organismes très variés qui contribuent à le maintenir en bonne santé. Et lorsque cet équilibre est rompu, la maladie peut apparaître. Alors, pour nous parler de la dynamique du biome humain, je reçois Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Oui, je me suis intéressé à ce sujet-là cette semaine parce que je me suis mis à lire sur une théorie que je vais vous parler un peu plus tard. Mais on parle souvent, dans le fond, des maladies, des pays industrialisés, des maladies comme l'asthme, les allergies, le diabète, l'obésité, les différents problèmes digestifs, les maladies auto-immunes, entre autres. Et récemment, on a décodé le génome humain. C'est un projet assez connu, mais maintenant, on s'attarde à aller un peu plus loin et à quantifier et identifier toutes les créatures qui habitent notre corps en temps normal. Mm-hmm. Et quand on parle de micro-organismes, en fait, qui habitent notre corps, on pense immédiatement aux bactéries qui colonisent notre intestin. Mais est-ce qu'il y a d'autres parties de notre corps où cohabitent les bactéries ou tout autre type d'organisme vivant? En fait, à part l'intérieur des organes, toutes les surfaces de notre corps, et quand on parle de surface, on parle de la surface externe, ça veut dire la peau, mm-hmm. mais aussi on parle de la surface interne, parce que conceptuellement, mm-hmm. un corps humain, c'est un tube. C'est un fait. C'est un tunnel, donc l'extérieur du tunnel et l'intérieur du tunnel. Plutôt un cylindre, en fait. Donc, il n'y a pas seulement ces bactéries-là, il y a aussi celles qui habitent nos orifices, les craques, les plis, les replis. Chaque zone a comme un environnement un peu spécialisé. Donc, dépendamment de quel orifice on parle, que ce soit l'oreille, le nez, l'écart entre les orteils, le nombril, tout ça est habité de plein de genres de choses. Donc, il y a des levures, il y a des moisissures, il y a même des champignons qui sont là, dans différentes quantités, différentes variétés, c'est en fait normal qu'il soit là. Mm-hmm. Donc, c'est ça un petit peu la nouveauté dans tout ça. Puis avec la chaleur du corps, l'humidité de notre peau et de nos orifices, mais puis avec la matière organique aussi qu'on suinte, là, j'imagine qu'on est couvert de parasites. Oui, tout à fait. On est des parasites, disons que c'est ça que ça devient un peu compliqué parce que la frontière entre la coexistence pacifique et le parasitisme n'est pas vraiment claire. Et malheureusement, par excès de zèle, on s'attaque souvent à des micro-organismes qui nous sont alliés ou, à tout le moins, qui ont une influence positive de seulement par le fait que au moins c'est quelque chose qui nous habite, c'est vraiment inoffensif au lieu d'être dans le fond c'est que pathogène, exactement, c'est qu'ils habitent une biosphère et ils sont en fait gentils ou plutôt inoffensifs alors que cette biosphère là pourrait être habitée par quelque chose de réellement nocif, donc ils sont bénéfiques plutôt par leur présence, donc. Uh-huh. Et l'élimination, ou plutôt la perturbation de notre flore intestinale par des antibiotiques, par exemple, c'est un exemple classique des conséquences de cette réalité-là. Donc, si on se retrouve avec des infections, on peut donc se retrouver avec des infections très dangereuses, comme l'acide difficile, uh-huh. qu'on a beaucoup parlé dans les dernières années. Donc, les bactéries de notre intestin empêchent la bactérie, c'est difficile de prendre le contrôle. C'est un cas, en fait, qu'on pourrait dire qui illustre bien le fait que la nature a horreur du vide. Oui, tout à fait. Et le vide que notre surface de notre corps donne est très, très bien, disons, pour les micro-organismes parce qu'on est chaud, on est assez nutritif. Uh-huh. Donc, surtout à la surface, il n'y a pas vraiment de système immunitaire qui est en action. Donc, c'est un territoire vraiment fertile pour les micro-organismes. Et c'est sûr que c'est difficile, c'est ce qui est important, c'est que à comprendre, c'est que normalement, il y a déjà du c'est difficile dans notre intestin. Donc, c'est pas vraiment un cas où on se fait infecter par quelque chose, mm-hmm. mais plutôt qu'on a brisé un équilibre. Donc, c'est difficile, se reproduit, prend le contrôle. Au lieu d'occuper peut-être 5% de l'espace, il finit par dominer l'espace intestinal. Et quand il est vraiment trop présent dans l'intestin, ça peut causer des diarrhées très violentes et malheureusement, souvent la mort, souvent avec les gens qui sont déjà faibles. Et c'est pas surprenant que c'est une maladie qu'on... En fait, c'est une maladie. Oui, c'est un trouble que l'on retrouve dans les hôpitaux puisque c'est vraiment relié à l'utilisation d'antibiotiques. C'est ça. Et non à la contamination. C'est non, ça. Dans les hôpitaux, ça. Les gens pensent qu'ils sont contaminés, mais non. C'est pas vrai. Parce qu'on l'a déjà en soi. En fait, ils sont décontaminés. C'est ça. Et ensuite, ils sont... Ils se contaminent eux-mêmes. Exactement. Malheureusement, quand une personne développe une infection aussi difficile, c'est quoi le traitement idéal? Est-ce qu'on devrait donner plus d'antibiotiques ou encore un antibiotique spécifique aussi difficile? Bien, il y a eu un moment que la recherche était vraiment dans cette optique-là, parce que plus d'antibiotiques, toujours plus. Bien, c'est ça. Et ce fut la stratégie primaire pendant un petit moment jusqu'à récemment, mais maintenant, il y a une autre stratégie un peu plus ingénieuse qui commence à émerger. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes en train de manger, de peut-être cesser pour la prochaine deux minutes. On appelle ça la greffe de fond intestinal ou plutôt la greffe de sel. Et en fait, c'est que vous pouvez imaginer que votre intestin, c'est comme une espèce de petite forêt et que c'est difficile, c'est le rat. Donc, dans le cas de quelqu'un qui a une infection où c'est difficile, la forêt est vraiment dominée par le rat. Donc, on retrouve pas d'écureuil, on retrouve pas de souris, pas de lapin, juste des rats. Et avec la stratégie antibiotique, on envoie des exterminateurs dans la forêt qui essaient tant bien que mal de capturer et de tuer tous les rats. Et là, on se retrouve avec une espèce de forêt vide qui peut à son tour être reprise très facilement par les rats s'il en reste quelques individus. Mais dans le cas de la greffe de faune intestinale, c'est qu'après avoir fait peur un petit peu aux rats, avec des bruits violents ou toute autre chose, on arrive avec des camions remplis d'écureuils, remplis d'autres créatures pour réhabiter l'espace intestinal. Et ça, c'est un petit peu l'analogie de la forêt, mais après, on va rentrer un petit peu dans les détails. Mm-hmm. D'accord, c'est bien beau l'analogie, mais dans la pratique, ça ressemble à quoi une greffe de faune ou de flore intestinale? J'en profite pour souhaiter bon appétit à nos auditeurs. Sans rentrer dans les détails très profonds de la chose, on procède d'abord à une vidange du contenu intestinal dans le fond, ça, c'est carrément un lavement. Là, un lavement classique, c'est quelqu'un, si vous avez subi une colonoscopie, ça ressemble un peu à ça, dans le fond. Mais au lieu de juste rentrer avec une caméra et de regarder, il y a une deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est l'introduction carrément de matière fécale d'un individu autre. Donc, on collecte la matière fécale d'un autre individu, on fait un petit traitement, on fait un petit mélange, on met ça avec de l'eau et on introduit ça à l'intérieur de l'intestin du patient. C'est pas très orthodoxe, mais c'est très efficace en fait. Donc, lorsqu'on s'attaque à des déséquilibres de flore intestinale, la matière première est d'ailleurs... Donc c'est pas très dispendieux. C'est un traitement qui est pas vraiment qui est pas très cher et c'est aussi disponible en très grande quantité. Donc plein d'avantages à ce traitement-là, mais c'est surtout son efficacité redoutable qui semble être vraiment vraiment intéressante. C'est ça. Fait. Puis comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il s'agit pas de tuer le C. difficile avec un antibiotique, c'est de recoloniser l'intestin avec les bonnes bactéries finalement qui contiennent le C. difficile. C'est comme une dynamique un peu vraiment de gestion quasiment de production de bio d'ingénierie biologique. Ouais, lorsqu'on fait de la production de bactéries ou de levures, on introduit dans le fond une bactérie dans un milieu où ce qui peut grandir. Donc c'est un petit peu comme prendre notre corps comme un bioréacteur et de l'ensemencer de bonnes bactéries. Exactement. Est-ce qu'on pourrait à la limite parler d'autogreffe? Non, en fait, on pourrait, mais c'est pas vraiment utile dans ce cas-là. C'est que il faut comprendre que lorsqu'on utilise la matière organique, la matière fécale d'un autre individu, il n'y a pas vraiment d'interférence qui se passe au niveau de notre système immunitaire, puisque le contenu intestinal est considéré externe à nous. Donc, il peut avoir peut-être des petites réactions, mais en fait, c'est justement important d'aller chercher la matière fécale d'un autre individu. L'important, c'est de la variété microbienne ou l'équilibre microbien à l'intérieur de la matière fécale. La biodiversité de la chose. Donc, c'est un petit peu, disons, le but, c'est d'aller chercher quelque chose qui est externe à nous, parce que la personne elle-même n'a pas vraiment de la matière fécale intéressante. Ou plutôt saine. Saine, oui. Et à part l'intestin, est-ce que les micro-organismes qui habitent le reste de notre corps ont un impact sur notre santé? Oui, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, selon moi. C'est que, disons que depuis les années 80, il y a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de l'hygiène. Et cette hypothèse-là stipule tout simplement qu'une des principales causes de l'augmentation de la prévalence des allergies et de l'asthme serait causée par une hygiène trop stricte dans notre environnement immédiat. Et depuis le temps, cette idée-là a fait du chemin et il y a une autre hypothèse qui a émergé qui est quand même connexe, qui s'appelle l'hypothèse des vieux amis. Okay. Et cette hypothèse-là vient un petit peu plus préciser de quoi on parle ici. C'est que ce qui se passe, c'est que nos stratégies d'hygiène attaquent trop efficacement les micro-organismes présents historiquement sur et dans notre corps. Et d'autres pathogènes peuvent s'installer et aussi... Et en fait, c'est qu'il y a l'installation de nouveaux pathogènes. Mais là, il y a une autre chose intéressante, c'est que l'absence de ces micro-organismes-là qui devraient être là dérègle notre système immunitaire. Alors que c'est pas vraiment la présence de pathogènes, mais plutôt l'absence de micro-organismes qui devraient être là, qui déréglerait le système immunitaire, qui aurait évolué en parallèle avec ces micro-organismes-là, d'où l'apparition d'allergies. Donc, il existerait un état ou un environnement qui pourrait être décrit comme trop propre ou trop aseptisé? Oui, tout à fait. Et cela fait référence, dans le fond, aux caractéristiques intrinsèques d'un système immunitaire. Un système immunitaire est toujours en réaction, mais il est aussi une évolution, il y a une programmation quand même, dépendamment de ce qu'on lui demande. Donc, si notre ADN a été programmé, a programmé notre système immunitaire à être habitué à la présence de certains corps étrangers et qu'ils sont absents, il va devenir un peu hyperactif. Il va chercher à quelque chose à attaquer. Et c'est là que les allergies apparaîtraient. Donc, il y a certaines cellules immunitaires, d'ailleurs, qui sont spécialisées pour attaquer les grosses particules. C'est souvent elles, en fait, qui causent des problèmes. Et quand je parle de grosses particules, je veux dire comparer une bactérie, là. Ouais, c'est ça. Donc, on parle de particules du genre pollen. Mais le pollen, c'est surtout qu'il a à peu près la même grandeur que certains parasites multicellulaires. Donc, même certaines personnes qui souffrent d'allergies très, très graves. Et là, on parle d'allergies graves ils peuvent à peine sortir de leur maison tellement qu'ils sont attaqués de manière violente par des réactions auto-immunes avec n'importe quoi qui rentre dans le fond dans leur organisme. Et certaines personnes de ces personnes-là souffrant de ces allergies-là sont allées en fait se faire introduire de manière délibérée des parasites. Et ce qui a finalement en fait donné à leur système immunitaire une raison de se battre. Et donc, en fait, c'est que notre système immunitaire là était programmé depuis des millénaires à trouver ou à chercher ces parasites-là. Et lorsqu'on les introduit, il y a vraiment eu une diminution des allergies. Donc, il faut se rappeler qu'on a évolué dans la forêt, on a évolué dans la boue, dans la saleté, et ça laisse des traces dans notre système et dans notre ADN, tout ça. Ouais, et c'est là que la notion de biodôme vient vraiment considérer l'être humain pas seulement comme une machine, comme un primate, mais un primate habité et étant lui-même un écosystème. Et pour terminer, est-ce qu'on devrait arrêter de tout désinfecter tout le temps? L'évolution nous a quand même pourvu d'un système efficace pour lutter contre l'infection. Pas parfait, mais efficace. Est-ce qu'il faut le maintenir actif? Bien, il y a justement des discussions par rapport à certains désinfectants qui auraient des propriétés plutôt nocives à moyen terme. Et c'est clair qu'il y a les tentatives, dans le fond, d'aseptisation de notre environnement. Bien, ils sont premièrement vaines. Et il n'y a pas moyen de désinfecter complètement notre environnement. C'est carrément impossible. Et tout ce qu'on fait souvent dans ce temps-là, c'est qu'on va détruire des micro-organismes qui sont bénéfiques à nous, au lieu de réellement éliminer une réelle menace. Ah, c'est ça. Là, je vous dis pas de laisser un morceau de steak au sol pendant des mois et des mois, mais désinfecter toutes les surfaces, par exemple, qu'un enfant serait en contact, serait probablement pas une bonne idée à long terme, puisqu'on ne donnerait pas à son système immunitaire la capacité ou plutôt la pratique dont il aurait besoin. Il y aurait un risque qu'il devienne surexcité, hyperactif, donc il pourrait développer des allergies. Donc, notre système immunitaire, c'est un peu comme une équipe de hockey. Il a besoin d'un adversaire pour fonctionner et se trouver du sens. Sinon, il va juste s'envoyer des rondelles dans les fenêtres, là. Écoute, merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Alors, on va passer au mot de la fin.